Donc, au terme de cette journée, je voudrais surtout insister sur la forme la plus fréquente des dysphasies de l'enfant, que l'on appelle donc phonologico-syntaxique, qui est finalement assez facile de diagnostic si l'on a pris la peine de se poser les bonnes questions. D'abord, d'écarter tout ce qui est déficience intellectuelle et déficit de relation, de disponibilité, pour se concentrer donc sur ce problème spécifique du langage, ce trouble structurel des compétences linguistiques qui va avoir des conséquences, on l'a dit, scolaires, mais également sociales, développementales, tout à fait importantes chez ces enfants. Ce sont des enfants qui parlent peu, qui utilisent un style télégraphique, mais qui souhaitent se faire comprendre. Et finalement sont relativement informatifs, puisqu'ils utilisent des signes non-verbaux et amènent ainsi leurs interlocuteurs à percevoir que derrière cette barrière de la langue, il y a une pensée et une vitalité tout à fait normale de l'enfant. Alors, la conséquence première de cela, c'est qu'il faut absolument donner aux tout petits enfants qui sont en panne grave de langage les moyens de communiquer avec leur entourage, avec les adultes, avec les copains, afin de ne pas se dégrader sur le plan psychologique uniquement parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la forme la plus habituelle de communication interhumaine, le langage oral. Et puis, lorsqu'ils vont grandir, ces petits enfants, il ne faudra surtout pas les maintenir en grande section sous prétexte qu'ils parlent mal, mais justement les amener le plus rapidement possible, voire anticiper l'entrée dans le langage écrit, qui, au niveau des mots, au niveau du lexique, mais surtout au niveau de la syntaxe, de l'ordre des mots dans la phrase, va leur permettre de se faire une idée de la structuration de la phrase en français, de la visualiser. Évidemment, l'avenir de ces enfants ne dépend pas uniquement des problèmes langagiers. La plupart de ces enfants vont acquérir un langage écrit de bonne qualité. Souvent, à terme, le langage écrit est même quelque chose de beaucoup plus aisé à utiliser que le langage oral, puisque les déformations langagières, la difficulté à prendre la parole devant le groupe, devant les copains, en classe, reste souvent quelque chose d'assez prégnant, quelque chose d'assez mal vécu par ces enfants. Donc il faudra bien sûr essayer d'utiliser ce qui est le plus facile pour l'enfant, et ne pas toujours chercher à avoir un langage oral d'extrêmement bonne qualité, qui est quasiment impossible. Évidemment, vous l'avez entendu, si le trouble est également réceptif, si le trouble porte sur la compréhension du langage, qui est toujours peu ou prou altéré, mais quand elle l'est énormément, cette compréhension, le pronostic est beaucoup plus réservé. Enfin, si l'efficience intellectuelle est normale, faible, s'il y a des comorbidités associées, un déficit grave de mémoire de travail, un déficit visio-spatial, un déficit mnésique, un trouble attentionnel et des fonctions exécutives, le pronostic, là aussi, est beaucoup plus réservé. Donc, posons des diagnostics, mais tâchons de nous en dégager le plus rapidement possible pour envisager ce qui va bien chez l'enfant, prouver qu'il y a des points forts, s'appuyer sur ces points forts pour progresser avec l'enfant et surtout lui permettre, comme pour tous les enfants 10, de comprendre et d'apprendre en contournant, en court-circuitant ce qui ne va pas, c'est-à-dire cette phrase que vous avez entendue, faire pareil, mais autrement. Voilà, donc je suis très heureux que nous ayons pu mettre en place cette journée sur Angoulême. Et je souhaite que rapidement, nous puissions en mettre en œuvre une autre sur un autre domaine pour que les informations sur ces enfants 10 puissent continuer de se faire. Voilà, donc soyez prudents sur la route, prenez soin de vous et à bientôt.